بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'aucun a réclamé un châtiment inéluctable pour les négateurs que nul ne pourra repousser, de par Dieu, le Seigneur des voies d'ascension. Les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Fais donc preuve d'une belle patience. Ce châtiment qu'ils estiment si éloigné, nous le voyons tout proche. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Le jour où le ciel sera pareil à du cuivre fondu, et où les montagnes seront comme des flocons de laine, et où nul ami dévoué ne s'enquérera de son ami. Bien qu'ils soient à la vue l'un de l'autre, le criminel souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, son épouse et son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tous ceux qui sont sur terre, si cela pouvait le sauver. En aucun cas, car l'enfer est un brasier. Arrachant brutalement le cuir chevelu et appelant celui qui se détournait et fuyait la vérité, qui amassait des richesses et les thésaurisait. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Certes, l'homme a été créé impatient. Quand un malheur le touche, il est agité. Et quand un bonheur le touche, il devient avare. À l'exception cependant de ceux qui prient, tout en étant constants dans leurs prières, et de ceux qui réservent une partie déterminée de leur richesse aux mendiants et à l'indigent, et à l'exception de ceux encore qui croient au jour du jugement, qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, nul ne peut se sentir à l'abri du châtiment de son Seigneur. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون qui préservent leur chasteté en n'ayant de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce dernier cas, ils ne sont pas à blâmer. Et ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de ses limites sont des transgresseurs. Et à l'exception de ceux, enfin, qui gardent fidèlement ce qui leur a été confié en dépôt, qui respectent leurs engagements, qui témoignent avec justice, et qui observent strictement leurs prières, ceux-là séjourneront au paradis, comblés d'honneur. خلقناهم مما يعلمون. Qu'ont donc les négateurs à courir vers toi, le cou tendu, t'entourant à droite et à gauche, par groupes divers. Chacun d'eux espère-t-il entrer dans le jardin des délices? Mais non, nous les avons créés à partir de ce qu'ils savent. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par d'autres meilleurs qu'eux, et nul ne saurait nous en empêcher. Laisse-les donc à leur conversation futile et à leur divertissement jusqu'à ce que survienne le jour qu'on leur a promis, ce jour où ils sortiront en hâte de leur tombe, comme s'ils couraient pour atteindre un but dressé pour eux. Regard baissé et couvert d'humiliation, tel sera le jour qu'on leur avait promis.